Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la Gourgane à la population d'Albanel et félicite les organisateurs. Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo Mistassini, Monsieur Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. Monsieur Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Ils ont remporté la médaille d'or au championnat du monde U19. Ça se déroulait au Mexique en fin de semaine, au championnat du monde de football américain, parce qu'il y a deux footballs. Ils sont fraîchement débarqués de l'avion. On parle évidemment avec l'un des instructeurs qui était là-bas, c'est Olivier Turcotte. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, félicitations d'abord. J'ai écouté le match de dimanche, une bonne partie du match. C'était quelque chose de vraiment le fun à voir. Hey, on va analyser le match dimanche. Il restait 5 minutes à faire dans le match à peu près, puis il y a eu une interception. C'est ça qui a fait la différence, puisqu'on sentait le Mexique vouloir revenir, hein? Ah oui, t'as bien raison, Danny. Écoute, moi, à mon avis, c'était le jeu du match. Ouais. On était à ce moment-là, je pense, à 13 à 6. Je me trompe pas, ou 12 à 6 en tout cas. Ouais. Il était à un score de revenir vraiment là, dans le match avec nous. Puis le momentum était tout à fait de leur côté. Puis là, ils ont réussi à gruger le terrain là, à peu près une cinquantaine de verges. Ils se rapprochaient de la ligne des buts. Puis notre secondaire intérieur, là, Éric Bouchalski, a fait une interception très importante. Là. Ça nous a sauvés, comme on dit. Le Mexique, écoute, c'était quand même, j'ai vu le match, il y avait quand même passablement de monde. Il devait y avoir autour de 20-25 000 personnes à peu près dans le match. C'était un très grand stade. Pour les jeunes, comme exemple, les jeunes qui sont probablement l'une des premières expériences devant des foules de même, en territoire hostile, on pourrait dire. Absolument. Puis, on était à Mexico City, donc vraiment dans le centre-ville, là, sur le campus universitaire. Ouais. Puis on était. Puis les matchs avaient lieu au stade olympique comme tel de la ville. Puis la foule en fait a été évaluée entre 30 et 35 000 personnes. Parce que c'est un grand stade. Ouais. C'est sûr que c'est un très grand stade. Ça fait que c'est sûr que c'était immense. Mais il y avait pas mal de monde. Ouais, ouais. Ben c'est un stade de 80 000. Ça a pas de l'air plein. Mais 35 000 personnes, là, puis les Mexicains sont bruyants, pas à peu près, là. C'était leur année, c'était l'équipe haute qui ont réussi à battre les États-Unis en demi-finale, dans un match vraiment là, explosif de la part des Mexicains. Fait que l'ambiance était survoltée. Nos Québécois ont été exceptionnels en plus dans ce match-là, là, que ce soit Charles-Émile Bouchard ou bien Philippe Lavoie. Les deux ont connu un très fort match. Comme jeune là, qui a pas l'occasion de vivre ça souvent, ce type d'ambiance-là, c'est sûr que c'est extraordinaire, ça va les marquer pour le reste de leur vie. Oui, effectivement. On va en parler plus tard un petit peu de ces deux gars-là, mais je veux parler en fait de l'équipe en général. Après ça, on va en venir aux deux gars. Écoute, quand vous êtes parti pour le Mexique, est-ce que l'objectif c'était la médaille d'or? C'est sûr que les Américains avaient probablement pas la meilleure équipe parce que c'est les camps d'entraînement de la NCAA qui sont commencés. Mais est-ce que l'objectif était vraiment clair, net et précis, médaille d'or? Absolument. Nous, on était champions en titre du tournoi. Okay. Donc, il y a deux ans, c'est un tournoi qui revient à chaque deux ans. Okay. Puis on l'a emporté. Puis c'est la première fois qu'une équipe l'emporte à deux occasions de suite. Fait que l'objectif était clair. On est arrivé, l'équipe s'est formée au courant de l'hiver. Effectivement, il y a pas, que ce soit les Américains, que ce soit les Canadiens, c'est pas nécessairement tous les joueurs qui se présentent parce que, bon, évidemment, les saisons s'en viennent. Fait qu'il y a plusieurs joueurs qui préfèrent se concentrer sur la saison qui s'en vient. Mais il y en a d'autres qui voient comme cette expérience-là comme une chance unique dans une vie, puis qui font fi des risques de blessures. Si bien que ce soit l'équipe américaine ou canadienne, on se retrouve pas nécessairement avec les meilleurs éléments possibles, mais l'équipe canadienne était très, très, très, très forte cette année, puis on aspirait certainement au titre pour une deuxième fois consécutive. Ouais. OK. La différence entre le tournoi qu'il y a actuellement puis le tournoi... Parce qu'il y a un tournoi là, avant le Super Bowl, là, dans la semaine du Super Bowl, c'est que les Américains ont la plus grosse équipe, ont la grosse équipe. C'est quoi la grande différence? Ben, l'hiver, c'est une série de matchs, en fait. C'est des matchs d'exhibition. Ça s'appelle International Bowl Series. Ouais. Fait que les États-Unis reçoivent plusieurs pays dans un match d'exhibition. Fait que nous, on a joué contre les Américains au niveau U19, U18. Mais les Japonais aussi affrontent les Américains à ce moment-là. C'est dans un moment de l'année où il y a moins de... Évidemment, les camps d'entraînement de la saison de l'automne sont pas mal plus loin. Mm. Puis aussi, pour les Américains, c'est une occasion aussi de se faire voir. Ils sont pas nécessairement encore tous signés pour des universités américaines. Fait que c'est une belle vitrine pour plusieurs d'entre eux. Ben, effectivement. Hey, Kalanda Muganda, je sais pas si je le prononce comme il faut, là, lui qui fait des siennes, qui a fait des siennes l'année passée au niveau collégial. Tu sais de quel joueur je te parle, là? Kalanda Muganda, qui était au secondaire. OK. Ouais. Pourquoi il était pas dans l'équipe? Parce qu'il y avait. Vous auriez pu l'inviter, je l'ai pas vu. Il a fait Team Québec avec nous l'été en 2017. Okay. Qualifié évidemment pour la sélection canadienne U18 à l'hiver. Il a préféré se concentrer justement sur son objectif de se trouver une équipe aux États-Unis. Donc au courant de l'hiver, il a renoncé à sa participation au tournoi. Okay. Quelques mois plus tard, là, finalement, il a réussi justement à signer avec une high school, un prep school qu'on dit aux États-Unis. Okay. Puis il s'est pas présenté au tournoi de l'été non plus. J'imagine que c'est justement pour dans le même sens, là, pas se blesser pour son équipe américaine. Trouves-tu que le football s'améliore? Il y avait le Mexique, il y avait le Japon. Le Japon vous a donné quand même pas mal de fil à retordre. Le Mexique, ça n'avait pas été dans l'interception dans le match de la finale. Pas sûr que vous auriez gagné. Il était en bonne position. Il s'en est à la ligne de 40, je pense, si je m'amuse. Trouves-tu que le football en général, football américain, s'améliore dans le monde? Ben, je pense qu'on sous-estime vraiment la qualité du football ailleurs qu'aux États-Unis puis au Canada. Au Japon, par exemple, il y a une centaine d'universités qui évoluent au football américain depuis de nombreuses années. Là. On parle donc de quatre fois plus d'universités qu'au Canada. Que ce soit même en Europe aussi, puis au Mexique, c'est un sport extrêmement populaire. Là. Il y a des équipes universitaires un peu partout. Moi-même, j'ai évolué avec un carrière mexicain lorsque j'étais au Géor, César Sanchez et Hernandez. Puis c'est un sport qui est très pratiqué un peu partout sur la planète. Mais certainement, là, le calibre augmente là, constamment. Les joueurs sont mieux préparés. Les joueurs sont au niveau athlétique, au niveau tactique. L'évolution du sport est toujours très bonne. Aussi, on est de plus en plus, je pense, intelligent de la manière qu'on joue. Là. On fait attention aux blessures. Ouais. Puis, mais le Mexique est une nation là, qui, oui, le soccer est très, très présent, mais le football est quand même pas loin derrière. Okay. Puis les jeunes Mexicains sont des très bons joueurs de football. Là. Puis ils ont des gros bonhommes. Puis c'est des joueurs qui jouent avec énormément de, de hargne. Le fait que la NFL également, Olivier, va à disputer 3-4 matchs à Londres, ça l'aide au développement là, de toute l'Europe. Là. Ah oui, oui, la NFL est vraiment déterminée à faire de son sport un sport international. Parce que ça a de l'impact, puis c'est un sport qui est très, très excitant, puis qui est le fun à voir. Tu sais, puis ça attire des jeunes de partout. En jouant en Europe, là, c'est sûr que là, leur exposure est franchement augmentée. Si bien que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche sont des endroits où ils pratiquent le football de manière assez, assez élevée. Puis l'Europe, en tant que telle, augmente de plus en plus le nombre de joueurs là, dans leur organisation. OK. Les médias. Es-tu déçu de la couverture médiatique? Parce qu'écoute, là, les deux médias qui en ont parlé. Moi, il n'y a même pas eu un écriteau dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, je ne sais pas, dans le Soleil, rien à RDS, rien du tout. Il y avait CBC qui ont présenté le match en streaming, qui ont bien fait ça quand même. Les deux seuls médias qui en ont parlé, c'est moi puis Joanne Saint-Pierre du Quotidien, parce que on a trois joueurs de la région. Es-tu déçu des médias? Au moins, je pense que ça aurait mérité un écriteau. Déçu des médias. Moi, je pense que bon, c'est peut-être un peu méconnu comme tournoi, évidemment, là, de manière générale, mais au Mexique, c'était sur la chaîne nationale. Ah ouais, on l'a vu, ça. Énormément de couverture. Les jeunes de 18-19 ans là, qui participent à ce tournoi-là font pas ça pour l'exposition qu'ils vont recevoir dans les médias, mais c'est sûr que ils méritent là, cette équipe-là, l'équipe canadienne qui vient de remporter le championnat mondial, c'est tout un accomplissement. Deux fois de suite, c'est d'autant plus impressionnant. Puis mérite certainement que les gens soient au courant, du moins qu'il y a des Québécois, qu'il y a des Canadiens qui participent à ce tournoi-là, puis qui connaissent énormément de succès. Puis tu sais, les joueurs en tant que tels, mais les entraîneurs aussi là. Les entraîneurs qui étaient là, Steve Schumacher, l'entraîneur-chef de l'Université de Constantin. Jeff Cummins. Non, Glenn était... Ah, OK. Glenn n'était pas là, okay. OK. Non, mais Jeff Cummins, qui est l'entraîneur-chef de l'Université de Kevia. Jean-Philippe Asselin, qui est le coordinateur offensif de l'Université de Carleton. Les entraîneurs canadiens sont de grande qualité. Le football qu'on pratique ici est donc un des meilleurs sur la Terre, parce qu'on l'a encore prouvé là, avec nos jeunes de 18-19 ans. On est capable de compétitionner puis de l'emporter là, au niveau mondial. OK. Bon, on va y arriver maintenant de nos deux joueurs, Philippe Lavoie et Charles-Émile Bouchard. Écoute, ça fait longtemps que j'entends parler de ces deux gars-là. Philippe Lavoie, bon, on va commencer avec Charles-Émile Bouchard, puis je vais garder le gars que je connais le plus pour le dessert. Charles-Émile Bouchard de Saint-Félicien, je l'ai entendu parler durant le match, la finale, les commentateurs en parlent un peu. Il a connu un bon tournoi, hein? Ouais, Charles-Émile, ça a été un capitaine défensif pendant le tournoi, donc un leader de grande qualité pour l'équipe. Puis c'est étonnant parce que bon, l'équipe, évidemment, on parle en anglais de manière générale, puis Charles-Émile, c'est pas lui qui a le meilleur anglais, mais il mène les troupes par ses actions. C'est un joueur explosif, c'est un joueur vraiment là, une seule vitesse, il joue de manière très, très, très intense. Puis il revenait aussi, donc lui avait gagné la médaille d'or il y a 2 ans en Chine. Lorsque l'équipe l'avait emporté en Chine, il était déjà sur l'équipe. Puis donc il était sur l'équipe de moins de 19 ans alors qu'il avait seulement 17 ans. Fait qu'un joueur de grand talent. Puis une attitude vraiment hors pair. Là, fait que non. Puis que ce soit en finale contre le Mexique, mais vraiment là, contre les Japonais aussi, là, en fin de match, nous a fait un jeu vraiment important. Et il a connu 3 excellents matchs. Charles-Émile a fait la différence dans les situations. 3e essai est long avec sa pression sur le corps arrière. Des sacs du corps qui ont fait la différence dans le match là, à plusieurs occasions pendant le tournoi. OK. Et Philippe Lavoie, lui, je sais qu'il est étiqueté pas mal les Canadiennes. C'est rien qu'une question de temps. On dit que bon, c'était sa dernière année. Lui aussi était partant là, lors de ce tournoi-là, avec vous aviez 6 secondaires. Parle-moi de Philippe. Phil, c'est un prototype athlétique vraiment extraordinaire. il a tout pour lui au niveau génétique. Là. Il est grand, il est fort, il est brillant sur le terrain. Il a une super attitude. C'est un gars qui est calme, qui est pas nerveux pour rien. Il a connu un match plutôt difficile contre la Suède. Par contre, un peu nerveux. Puis c'était sa première participation à ce genre de grands événements. Ouais. Ben en fait, il avait fait un peu cet hiver, là, mais c'est pas les mêmes circonstances. Non. Là, avec l'équipe de U19, là, comme linebacker partant, il a commencé juste comme je viens de dire, un peu tranquillement, mais il a fini très, très, très fort contre le Mexique, qui a fait des jeux très importants en fin de match, là, dont un sur un screen pass. Il était un peu partout sur le terrain. Dans la position de secondaire intérieur, là, avec la vitesse qu'il a, avec la taille qu'il a, il est capable de couvrir beaucoup de terrain. Il y a certainement un très bel avenir devant lui. OK. Donc, évidemment, à quelque part, ça devait être intimidant pour lui. Tu sais, première fois, tu portes l'uniforme de l'équipe canadienne, tu joues au Mexique, il y a 25 000 personnes dans les matchs. C'est intimidant au départ, là. Ben, je pourrais pas parler pour lui, hein. Je pense ouais, on va essayer d'y parler s'il veut me parler, là, que c'est toujours la même question avec lui, là. C'est pas le gars qui parle le plus. Non, non, non. Mais, il fait ce qu'il a à faire, par exemple. Ouais, effectivement. Je pense que, tu sais, aussi, je pense que lorsqu'on revient en mois de juillet pour jouer au football, des fois, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas joué, tu sais, puis ça prend un certain temps, des fois, se verrouiller. Mais peut-être un petit peu impressionné par l'ampleur de l'événement, mais c'est pas nécessairement comment qu'on commence qui est important. Ben ouais, c'est comment tu finis. Puis ça a été tout qu'un match, là. C'est drôle parce que moi, je suis en haut pendant les matchs, là. Je suis dans le boot. Puis j'observe le match d'en haut, puis Phil était en feu, là. Tu sais, il était d'un sideline à l'autre, il était sur toutes les plaquées. Puis le numéro 3, du Mexique, c'est un porteur de ballon extrêmement explosif, puis il fallait se mettre à plusieurs pour le plaquer. Phil était présent sur des couvertures qu'il avait fait. Oups, ça t'a perdu. Est-ce que t'es là? Ouais, t'as perdu, Olivier. On t'a perdu. Non, c'est quand même intéressant. Dernière question, les deux vont avoir à choisir une université pour l'an prochain. Le fait que tu dirais, tu fais partie du personnel entraîneur du Rouge et Or, ça doit aider à quelqu'un. T'es pas dans le Rouge et Or. Ok, je pensais que t'étais. J'ai joué, là, mais j'entraîne pas les. Ah, ok, je pensais que tu faisais partie du Rouge et Or, excusez-moi. Donc, je posais la question, mais me semblait, en tout cas. Ben, Olivier, félicitations, bravo. C'était pas mal le fun. J'ai écouté pas mal une bonne partie du match de dimanche. Un petit peu les autres, c'était là. Mais bravo, puis au plaisir de se reparler. Parfait, merci beaucoup. Olivier Letourneau, qui faisait partie de l'équipe d'entraîneurs de l'équipe canadienne, qui ont remporté la médaille d'or au championnat du monde U19.